Section 9 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 9. Le garde Fargeau. Le matin du même jour, Léonce s'était éveillé, dispos et sans fièvre, dans la chambre qu'il occupait à Mercoire. Grâce aux soins empressés des personnes de la maison, et surtout de la digne religieuse, sa blessure était en bon train de guérison, et, sauf la faiblesse résultant de la perte de son sang, il semblait s'en ressentir à peine. Mais si le corps se trouvait dans un état satisfaisant, en revanche, l'esprit n'était pas tranquille. La nouveauté de la situation, les révélations de son oncle, et plus que tout cela, certains souvenirs récents, tenaient le jeune homme dans une agitation constante. Parfois, il demeurait silencieux et rêveur, puis il accablait ses gardes malades de questions indifférentes en apparence, mais qui devaient avoir un but caché. Peut-être ce but n'était-il pas un mystère pour le prieur et pour Sœur Magloire, car ils échangeaient des regards d'intelligence à chaque demande un peu trop directe de Léonce. Celui-ci s'en aperçut, et son agitation s'en augmenta. Bientôt, il parla de se lever, de descendre au salon, de prendre part à la chasse. Vainement lui représentait-on le danger de tout mouvement avant que sa blessure fût entièrement cicatrisée. Il ne voulut rien entendre. Force fut donc, pour le calmer, de consentir à ce qu'il s'habillât, à la condition cependant qu'il ne quitterait pas la chambre, et qu'il se tiendrait dans un fauteuil, en face d'une fenêtre qui donnait sur la grande cour du château. On tira de la valise de Léonce des vêtements de rechange, les siens ayant subi de trop rudes atteintes dans l'événement de la forêt. Le bon prieur servit lui-même de valet de chambre à son enfant d'adoption, et quand le jeune homme fut habillé, quand Sœur Magloire eut soutenu son bras malade avec une écharpe, on l'installa près de la fenêtre, et il sembla prendre plaisir à regarder la foule qui allait et venait sans cesse dans la cour. Le père Bonaventure et Sœur Magloire profitèrent de ce moment pour descendre au salon, où d'autres devoirs pressants réclamaient leur présence, et ils laissèrent Léonce continuer paisiblement ses observations. Quand le prieur remonta seul une heure plus tard, son neveu, debout, le teint animé, se promenait dans la chambre avec une émotion extraordinaire. Léonce, en le voyant, courut à lui et lui dit d'une voix étouffée « Mon oncle, mon bon oncle, je vous en conjure, emmenez-moi d'ici. Je suis bien maintenant, je pourrai voyager. Oh, par pitié, ne me retenez pas plus longtemps dans cette maison, si vous ne voulez que j'y meure de colère et de chagrin. » Et il fondit en larmes. Le père Bonaventure, aussi surpris qu'affligé de ce transport inattendu, obligea Léonce à reprendre sa place. « Que s'est-il donc passé, mon enfant ? » demanda-t-il avec bonté. « Vous étiez tranquille tout à l'heure. D'où vous vient cette résolution si violente et si subite ?» Le jeune homme ouvrit la bouche comme pour faire un aveu, mais un sentiment secret l'arrêta, et il baissa la tête en sanglotant. Le prieur s'assit à côté de lui. « Voyons, Léonce, poursuivit-il, parlez avec franchise. » N'avez-vous plus confiance en moi, votre parent, votre meilleur ami ? Que vous est-il arrivé ? Qui donc vous a parlé pendant mon absence ? Personne, mon oncle. Alors qu'avez-vous vu de cette fenêtre pour vous désoler ainsi ? Rien, rien, mon oncle, je vous assure. Le père Bonaventure fixa sur lui son regard à la fois bienveillant et inquisiteur. Léon subit cet examen avec un malaise visible. Bon, j'y suis, reprit enfin le moine en souriant. Vous aurez vu partir cette jeune étourdie, mademoiselle de Barjac, avec le baron de La Roche-Boisseau, et vous aurez été choqué de l'apparente familiarité qui régnait entre eux, n'est-ce point cela ? Et pourquoi serais-je étonné ou fâché de ce que peut faire la dame de ce château ? Demanda Léonce d'un ton sec et sans lever les yeux. Que m'importe à moi si mademoiselle de Barjac se plaît à coqueter et à courir les bois en compagnie d'un débauché tel qu'on dit être le baron ? Cependant, mon oncle, continua-t-il d'un ton différent, la pupille de l'abbaye de Frontenac, « devrait-elle se conduire avec cette compromettante légèreté ? N'avez-vous pas une pleine autorité sur cette imprudente jeune fille jusqu'à l'époque de son mariage ? Et pouvez-vous souffrir ? Allons, mon enfant !» interrompit le prieur doucement. « N'oubliez pas que cette pauvre Christine ne saurait être jugée d'après la règle commune. Elle commettait hier au soir une inconvenance bien plus grande encore, en vous transportant dans ses bras, malgré les sourires à peine dissimulés de tous les habitants du château. Et vous n'avez pas songé à vous en plaindre ? Mademoiselle de Barjac est une honnête personne, pleine de droiture et assez énergique pour imposer le respect à quiconque voudrait s'en écarter. Le croyez-vous, mon oncle ? Oubliez-vous donc les menaces que le baron vous adressait hier encore, quand il vous disait qu'en dépit de vous-même, en dépit du monde entier, il voulait se faire aimer de mademoiselle de Barjac? Ne vous a-t-il pas défié ouvertement de l'en empêcher? Et il avait raison, mon révérend père. Oui, il avait raison, car elle l'aime déjà. Elle l'aime, je vous l'assure. J'en atteste les regards caressants qu'elle lui lançait tout à l'heure, là, sous ma fenêtre. J'en atteste l'orgueil et la joie dont j'ai surpris l'expression sur les traits de cet insolent gentilhomme. Et cachant son front dans sa main, il donna de nouveau libre cours à ses sanglots. Le moine semblait partagé entre une indulgente pitié et des sentiments d'une nature différente. « Voyons, mon cher Léonce, reprit-il avec embarras, ne vous lamentez pas ainsi. Comme vous le disiez tout à l'heure, que vous importent les façons d'agir de mademoiselle de Barjac ?»« Mais non, ajouta-t-il aussitôt en se reprenant, cela vous importe beaucoup, j'en ai la certitude. Aussi me décidez-vous à vous apprendre des choses sur lesquelles je devrais encore me taire, peut-être. Ne vous découragez pas. Quelque inexpérience que j'ai en pareille matière, je crois que mademoiselle de Barjac n'aime pas le baron de La Roche-Boisseau. » Il s'arrêta. Léon s'était frappé de surprise. Ses larmes se séchèrent subitement. « Mon oncle ! » s'écria-t-il pendant que le cœur lui battait avec violence. « Je vous en conjure, expliquez-vous !»« Je ne puis m'expliquer davantage, » répliqua le prieur. « Je vous répète seulement que, malgré de frivoles apparences, mademoiselle de Barjac n'aime pas monsieur de La Roche-Boisseau. » Et que l'aima-t-elle, la détestable conduite du baron, le mauvais état de sa fortune, et surtout sa religion, creuserait entre lui et elle un abîme infranchissable. Non, jamais notre belle et riche pupille ne deviendra la proie d'un pareil homme. Et se prétendant évincé, la carrière reste ouverte à toutes les autres prétentions raisonnables. Et parmi ces prétentions raisonnables, demanda Léonce haletant, compteriez-vous celle d'un pauvre enfant sans naissance, étranger au monde, qui aurait osé lever les yeux sur cette noble et opulente héritière? Et pourquoi pas, Léonce, dit le père Bonaventure tranquillement. Le jeune homme jeta son bras autour du cou du prieur. Serait-il possible, mon ami, mon bienfaiteur, mon père? S'écria-t-il transporté. Est-ce bien vous, toujours si prudente et si sage, qui me parlez ainsi? La pensée m'est venue depuis hier, je ne sais trop pourquoi, que mon amour n'était pas un secret pour vous, et que peut-être vous l'aviez vu naître sans colère. Mon oncle, dites-moi la vérité, que dois-je espérer? Que dois-je croire? Pourrais-je en effet aspirer sans témérité à la main de cette charmante Christine? Eh bien oui, Léonce, répliqua le moine avec entraînement. Vous n'avez pas voulu comprendre jusqu'ici mes demi-mots et mes réticences, mais puisque vous me pressez à ce point, sachez-le donc. Il n'y a pas si loin que vous le pensez, de mon neveu à l'héritière et à la fille unique du comte de Barjac. Il est donc vrai? Et c'est vous, vous, mon oncle, qui m'encouragez dans ces espérances si absurdes, si audacieuses? Pas d'illusion, mon enfant, répliqua le prieur en secouant la tête. Et encore une fois, gardez-vous d'aller trop loin. Tout dépendra de certains événements, et particulièrement de la volonté, des caprices peut-être, de mademoiselle Christine. En effet, nous pouvons bien empêcher notre intraitable pupille de faire un mauvais choix, mais il ne nous appartient pas de lui imposer le choix que nous aurons fait. C'est à ceux qui se croient dignes d'elle de lui inspirer des sentiments d'estime et d'affection. Et s'il vous faut l'avouer, Léonce, vous avez, à mon avis, plus que personne chance d'y réussir. Sur cette seule espérance, mon oncle, je suis prête à jouer tout mon avenir, tout mon bonheur. J'avais cru que mademoiselle de Barjac éprouvait pour moi de l'éloignement, et je pensais... Mais j'étais dans l'erreur, sans doute. Je me fie à vous, certain que vous ne pouvez vous tromper, ni vouloir me tromper. Oh, Christine, chère Christine, il m'est donc permis de vous aimer sans crainte et sans remords. » Le prieur, de sa voix onctueuse et persuasive, essaya de ramener le jeune homme à plus de réserve et de mesure dans ses pensées. Il lui fit entrevoir vaguement que bien des difficultés pouvaient s'opposer encore à la réalisation de ses vœux. Léon s'écoutait à peine. Le jour nouveau qui éclairait son amour naïf le ravissait après tant d'obscurités et de secrètes angoisses. Cependant, son oncle commençait à lui faire envisager d'une manière plus calme les suites possibles de cette passion. Quand on frappa doucement à la porte, et sœur Magloire, au grand regret de Léonce, vint interrompre l'entretien. La religieuse avait un air embarrassé. « Mon révérend père, dit-elle presque à voix basse, il y a en bas le bonhomme Fargeau, cet ancien tenancier de Varinas, que vous avez nommé garde général de la forêt de Mercoire. Il aurait dû assister avec les autres à la battue, mais il s'en est dispensé parce qu'il veut vous entretenir d'une affaire qui l'est extrêmement pressée. Je lui ai vainement représenté que vous étiez accablé d'occupation, que vous aviez nos comptes à examiner, et que la maladie de votre neveu absorbait tous vos moments. Il n'a voulu rien entendre, et il a pris avec moi un ton presque menaçant. Il m'a tellement intimidé que je n'ai pu me dispenser de l'introduire dans le petit salon jaune où il vous attend. « Vous avez bien fait, ma sœur, » répliqua le prieur en se levant précipitamment. « Il est nécessaire, en effet, que je voie Fargeot. Dites-lui de ne pas s'impatienter, je descends à l'instant. » Sœur Magloire parut fort étonnée de la déférence que l'important dignitaire de l'abbaye de Frontenac montrait pour un garde forestier. Mais elle ne fit aucune observation, et après s'être inclinée profondément, elle sortit pour exécuter les ordres du père. Celui-ci restait debout, le front soucieux. « Léonce, » reprit-il, « je vous disais que bien des obstacles s'opposaient encore à l'exécution de nos projets. En voici peut-être un nouveau sur lequel je n'avais pas compté. Ne vous hâtez donc pas de vous livrer à des espérances prématurées. L'œuvre de votre bonheur sera peut-être fort laborieuse. Courage pourtant, et mettons notre confiance en Dieu. » Et il quitta la chambre avec une préoccupation visible. Léonce, demeuré seul, se livra quelques moments encore à ses riantes idées, malgré l'avertissement inquiétant du prieur, puis il se mit à regarder de nouveau par la fenêtre. Mais la cour était maintenant déserte, le château semblait lui-même abandonné. Une fiévreuse impatience s'empara de Léonce. « Elle ne revient pas, » murmura-t-il. « Où peut-elle être ? Sans doute encore avec le baron. Si pourtant mon oncle avait mal jugé des sentiments de mademoiselle de Barjac pour ce fier muguet. Le prieur est plein d'expérience, mais je doute qu'en pareille affaire. Oh, s'il était vrai !» Et il se promena dans la chambre d'un pas rapide. « Eh bien, » poursuivit-il, comme frappé d'une idée, « pourquoi n'irais-je pas juger par moi-même de ce qui se passe? Je suis bien, toute ma force m'est revenue. Il me sera facile d'approcher, sans être remarqué, cette belle et capricieuse Christine. Oui, oui, c'est cela. Partons. Mon oncle ne remontera pas de sitôt. D'ailleurs, en ne me retrouvant pas, il devinera certainement où je puis être. Je veux revoir cette chère Christine, qu'il m'ait enfin permis d'aimer. » Il descendit le grand escalier sans rencontrer personne et gagna la cour intérieure qui servait de manège. De ce côté, la grille donnant sur le bois était toute grande ouverte pour la commodité des chasseurs. Et Léonce, frémissant d'impatience, de joie, de jalousie peut-être, s'enfonça rapidement dans la forêt. De son côté, le père Bonaventure s'était dirigé vers le salon où il était attendu. Cette pièce, garnie d'un vieux meuble en velours d'Utrecht jaune, d'où lui venait son nom, servait de bureau pour la comptabilité du domaine. Elle était remplie de casiers étiquetés, de registres à fermoirs de cuivre, bien connus des fermiers qui se trouvaient en retard pour le paiement de leurs redevances. Là se tenait habituellement le chevalier de Magnac, ou sœur Magloire, qui se partageait l'administration du château quand leur service ne les appelait pas auprès de mademoiselle de Barjac. L'attention du prieur se porta d'abord sur le personnage dont on avait annoncé la visite. Fargeot, le garde général de la forêt de Mercoire, atteignait la soixantaine. Il était gros, court, et son embonpoint semblait devoir faire éclater le bel uniforme vert à baudrier doré qu'il avait revêtu pour la circonstance. Son visage bouffi, bourgeonné, attestait des habitudes d'ivrognerie. Cependant, son œil gris n'annonçait pas encore l'hébétement que cette passion finit par amener avec elle, et pétillait d'astuces par moments. Sans égard pour la religieuse, qui, dans la hiérarchie de la maison, occupait un rang beaucoup supérieur au sien, Fargeot s'était campé dans une bergère, qui menaçait de se rompre sous cet énorme poids, et il jouait négligemment avec une canne à pommes d'ivoire. Malgré le sans-gêne de ses manières, le garde, à la vue du prieur, essaya de se lever sur ses jambes d'éléphant, mais il retomba lourdement. Une seconde tentative du même genre ne fut pas plus heureuse. Bonaventure sourit et lui fit signe de ne pas se déranger. « Bonjour, Fargeot, bonjour, » dit-il d'un ton amical. « Vous vous portez à merveille, si je ne me trompe. Dieu me pardonne, vous avez encore engraissé depuis la dernière fois que je vous ai vu, et je ne croyais plus la chose possible. » Il prit un siège en face du garde général. Celui-ci renonça enfin à ses tentatives désespérées pour se mettre debout. « Allons, mon révérend père, » répliqua-t-il d'une voix enrouée, « puisque vous me le permettez, véritablement, je ne suis plus bien un gambe. On a tant de mal ici. Il faut courir nuit et jour après les braconniers et les voleurs de bois. L'exercice continuel, les fatigues, fortifient souvent plus qu'on ne voudrait. J'aurais pensé, dit sœur Magloire avec aigreur, que l'oisiveté et non la fatigue pouvaient produire un semblable résultat. Quoi que vous disiez, maître Fargeot, les braconniers et les maraudeurs ne vous empêchent pas de dormir. Vous êtes toujours fourré au cabaret de Grand Sac. et votre pauvre fille Marion reste seule à la loge de la mare. En ce moment encore, vous ne paraissez pas être à jeun, et le révérend père a pu s'en apercevoir comme moi. Je lui laisse à juger si c'est là une conduite convenable pour un garde général de la forêt de Mercoire. » Fargeot, en effet, s'était arrêté au cabaret avant de venir au château, et l'ivresse, évidemment, autant que l'embonpoint, l'empêchait de se tenir sur ses jambes. Mais Bonaventure a fait ses raisons, peut-être, pour ne pas relever trop vivement la faute du garde, et il se contenta de branler la tête avec indulgence. En revanche, Fargeot se montrait fort irrité des reproches de la sœur. Son visage avait passé du rouge au cramoisi foncé. Il aspira largement l'air, au risque de faire craquer son uniforme de cérémonie par la dilatation de sa vaste poitrine. « En quoi cela vous regarde-t-il, la béguine ? » demanda-t-il de sa voix sourde et pâteuse. « Que vous importe la conduite des gardes ? Je n'ai d'ordre à recevoir que de mademoiselle notre maîtresse, ou du révérend père ici présent. Quant aux autres, chevaliers ou religieuses, je m'en soucie comme... « Paix !» interrompit le prieur. « Quoi donc, Fargeot ? Allez-vous manquer de respect à la bonne sœur Magloire ? Et vous, ma sœur, oubliez-vous qu'il faut pardonner beaucoup à un ancien serviteur tel que Fargeot ?»« Jésus, mon Dieu !» répliqua sœur Magloire d'un ton doucereux. « Je pardonnerai tout ce que vous voudrez. Votre révérend sait trop bien comment on doit agir, et puisque vous me donnez tort, je n'ai plus rien à dire. Cependant, si l'on avait débarrassé le domaine d'un fainéant, d'un ivrogne, qui est ici un objet de scandale, allons, sœur Magloire, un peu de charité pour votre prochain !» « Se débarrasser de moi !» s'écria le gros Fargeot en se démenant dans son fauteuil comme un possédé. « Vous l'entendez, révérend père ? Dites-lui donc qu'on ne me congédie pas ainsi. Que je serai encore sur les terres de Mercoire, longtemps après qu'elle en aura été chassée elle-même. Oui, oui, dites-lui cela, père prieur. Je veux que vous lui disiez. »« Hein ?» fit le prieur en lui jetant un regard imposant. Le garde intimidé balbutia quelques excuses. « Il suffit !» reprit Bonaventure. « Chère sœur, laissez-moi un moment avec maître Fargeot. Comme vous vous en êtes aperçu, il n'est pas dans son assiette ordinaire, et ceci doit excuser jusqu'à un certain point ses écarts de langue. Mais je vais lui parler, et sans doute je lui inspirerai un profond repentir de sa faute. « Dieu le veuille, mon révérend père !» répliqua la religieuse d'un ton boudeur. Elle quitta la salle. Dès qu'elle fut sortie, le père Bonaventure alla tirer le verrou de la porte, puis reprenant sa place, il dit avec sévérité. « Que signifie une pareille conduite, maître Fargeot ? Comment osez-vous élever ainsi la voix ? Vous êtes donc incorrigible. L'âge ne peut donc surmonter ces vices ignobles qui ont déjà causé votre malheur et celui de votre famille. Ceci est mal, Fargeot, très mal. Et si vous ne vous amendez pas, je vous retirerai mes bontés. » D'abord, le garde avait baissé la tête avec confusion, en écoutant ses reproches mérités. Mais les menaces produisirent sur lui une impression toute contraire. « Me retirez vos bontés, mon révérend père, » répondit-il en se tordant la bouche d'un air narquois. « Vous y regarderiez à deux fois, sans doute, avant d'user de rigueur envers une vieille connaissance. Ne vous y fiez pas, Fargeot. Depuis longtemps, des plaintes s'élèvent contre vous, et si cela continue, malgré les souvenirs de votre pauvre femme, malgré ma pitié pour votre innocente fille, que vous chagrinez fort, je le sais, je vous renverrai du domaine, et vous deviendrez ce que vous pourrez. « Ouais, est-ce ainsi, mon révérend père ?» répliqua le garde en se dandinant. « Il ne faut pas être si dur avec un homme qui sait ce que je sais. À mon tour, je désire depuis longtemps vous parler seul à seul, mais chaque fois que vous venez à Mercoire, on jurerait que vous prenez à tâche de vous cacher de moi. Aujourd'hui, du moins, il n'en sera pas ainsi, et puisque je vous tiens, vous ne m'échapperez pas. » « Me cacher de vous ? Vous échapper ? Ah ça, bonhomme, les fumées du vin ont-elles obscurci votre esprit à ce point que vous oubliez devant qui vous êtes ? Mais, ajouta le moine d'un ton plus calme, je ne dois pas vous laisser croire que ce prieur de Frontenac vous évite par crainte ou par tout autre sentiment indigne de lui. Qu'avez-vous à me dire, Fargeot ? Je vous écoute. » Et il se redressa majestueusement. Le garde, en dépit de son assurance, manifesta quelque malaise. « Voyons, mon révérend père, ne nous fâchons pas, » dit-il enfin avec un petit rire familier. « Qu'est-ce que je demande, moi ? Que nous continuions à nous entendre comme par le passé. Et si je vous trouve tant soit peu maniable, vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi. En définitive, vous nous avez toujours accordé votre protection à moi et aux miens. Continuez à être bon pour nous, et je ne me montrerai pas ingrat, je vous assure. Cette protection, Fargeot, comment l'avez-vous méritée, vous, personnellement ? Vos désordres n'ont fait que s'accroître avec l'âge. Et si j'avais consulté ma juste indignation, je vous eusse abandonné aux conséquences inévitables de vos vices. » « Mais vous étiez depuis longtemps au service des comtes de Varinas. Votre femme Marguerite avait été la nourrice du jeune vicomte, qui mourut en bas âge d'une manière si malheureuse. Votre fille Marion a été la sœur de lait de ce pauvre enfant. À tous ces titres, un ami de la famille de vos anciens maîtres devait tenter quelques efforts pour vous soustraire à l'abjection, à la misère. Aussi, après la mort de votre femme, vous ai-je fait quitter Varinas, où votre conduite excitait un mépris universel, et vous ai-je appelé dans ce pays pour être garde général de la forêt de Mercoire. J'espérais que, retiré dans une maisonnette au milieu des bois, loin de vos compagnons de débauche, sous la domination de maîtres nouveaux qui ne vous devaient aucun ménagement, vous changeriez de genre de vie, vous fuiriez toute occasion de retomber dans le mal. Au lieu de cela, vous persistez dans vos funestes habitudes. Malgré ce monstrueux embonpoint que vous devez à votre incurable fainéantise, vous trouvez la force de franchir chaque jour une grande lieue pour aller à grand sac, dépenser au cabaret tout l'argent que vous gagnez. Votre pauvre fille est continuellement seule à la loge, et souvent, m'a-t-on dit, elle manque du nécessaire. En bonne conscience, Fargeot, pensez-vous qu'aucune considération pourra me déterminer à tolérer longtemps de pareilles choses? Il est un terme au-delà duquel l'indulgence devient coupable. Bon, vous continuerez à être indulgent. Soyez-le, mon révérend père, je vous en donne le conseil dans votre propre intérêt. Je conviens de mes torts, je suis un joyeux compère, aimant à rire et à boire. Je ne vaux rien pour le métier de garde, et je m'ennuie à mourir dans ma cabane, où l'on ne voit personne que des loups et des sangliers. Cela ne saurait durer davantage. Vous ne me refuserez pas une dot honnête pour ma fille Marion, qui en effet n'est pas très heureuse avec moi, la pauvre petite. Vous m'assurerez une rente que j'irai manger où je voudrai, ou plutôt vous me paierez une fois pour toutes une somme d'argent dont je disposerai à ma fantaisie, puis vous n'aurez plus à vous occuper de mon sort, je vous le promets. Fort bien, Fargeot, vous n'y allez pas par quatre chemins, ce qu'il me paraît. Et à quel titre, je vous prie, réclamez-vous de semblables faveurs ? Quoi de plus naturel ? Je suis, comme vous le disiez tout à l'heure, un ancien serviteur de Varinas. N'est-il pas juste que les héritiers de ce beau domaine nous mettent, moi et les miens, à l'abri du besoin, maintenant que l'âge et les infirmités me rendent incapable de travailler ? Fargeot avait un accent de raillerie et d'impudence tout à fait offensant. Néanmoins, le père répondit avec simplicité « Il ne m'appartient pas d'accueillir ou de repousser votre requête. En ma qualité de religieux, je ne possède rien en propre, et il m'est impossible de prendre une détermination dans une affaire de ce genre sans l'avis du chapitre de Frontenac, dont je suis membre indigne. » « Allons donc, révérend père, » répliqua le garde avec impatience. « Ne sait-on pas que vous menez le chapitre à votre guise ? Avec vos airs de n'y pas toucher, vous êtes maintenant, grâce à vos tutelles et à vos héritages, presque aussi puissant que le roi lui-même dans cette province. Mais je vois où vous voulez en venir. Vous comptez gagner du temps, puis vous direz que le chapitre a repoussé ma demande. Cela ne prendra pas, je vous en avertis. Je n'ai pas l'intention de gagner du temps, Fargeot. Et pour vous le prouver, je vais vous dire sur le champ comment opinera le chapitre et comment j'opinerai moi-même. Si vous aviez toujours été irréprochable, peut-être les détenteurs actuels des domaines de Varinas auraient-ils pris en considération votre détresse. Mais prodiguer un argent qui pourrait être employé en aumône à un paresseux, à un ivrogne qui a été mauvais mari et qui est encore mauvais père... Le garde fit un soubresaut furibond. « Mille diables ! » s'écria-t-il. « Ne me poussez pas à bout. Je peux être tout ce que vous dites, mais du moins je n'ai pas commis de crime, comme de saints personnages que je démasquerai bientôt, s'ils ne se montrent pas plus coulants avec moi. » Le père Bonaventure ne put cacher son trouble. « Des crimes ? » répéta-t-il en pâlissant. « Avez-vous complètement perdu la raison, maître Fargeot ?»« Pas le moins du monde, révérend père. Et pour preuve, je vais vous rappeler une petite histoire que vous semblez avoir oubliée. Seulement, ajouta-t-il en regardant autour de lui d'un air goguenard, je suis un assez mauvais conteur lorsque je n'ai pas quelque chose pour m'humecter le gosier et pour faciliter la sortie de mes paroles. Il n'y a donc rien à boire ici ? » Le prieur demeura impassible. Eh bien, n'importe, reprit Fargeot en haussant les épaules. Si l'on ne me donne pas de quoi me rafraîchir tant que je parlerai, je suis sûr que rien ne me manquera lorsque j'aurai fini. Écoutez-moi donc. Vous vous souvenez, mon révérend, des circonstances qui accompagnèrent la mort tragique du malheureux petit vicomte de Varinas, il y a de cela 16 ou 17 ans. À cette époque déjà, son père, monsieur le comte de Varinas, notre seigneur, se trouvait gravement atteint de la maladie de langueur à laquelle il succomba un peu plus tard. Il était devenu sombre, taciturne et morose. Il ne voulait plus recevoir ni ses amis, ni ses parents. Et il finit par se retirer à votre maison de Frontenac, où, si l'on en croit le bruit public, il était soigneusement gardé. Le comte n'avait jamais eu un caractère bien ferme, Et maintenant qu'il était épuisé, presque mourant, exposé nuit et jour à vos sollicitations, vous n'eûtes pas de peine à vous emparer entièrement de son esprit. Aussi assure-t-on que, du vivant même de son fils, il avait disposé d'une partie de ses biens en faveur de votre abbaye, déjà si riche et si puissante. Mais cette portion ne vous parut pas encore suffisante, comme on put le reconnaître plus tard. Ici, le prieur indigné se leva brusquement et étendit le bras afin de protester contre des assertions exprimées avec tant de grossièreté. Mais une réflexion l'arrêta sans doute, car il se rassit aussitôt et laissa retomber son bras en souriant d'un air dédaigneux. Fargeau poursuivit sans s'émouvoir. Pendant que monsieur le comte habitait Frontenac et que l'on attendait de jour en jour l'issue fatale de sa maladie réputée incurable, son fils unique, le petit vicomte de Varinas, était resté au château, à la garde de ma femme Marguerite, sa nourrice. L'enfant avait un tempérament faible et maladif comme celui de son père. Quoiqu'il eût alors plus de 3 ans, on lui eût à peine donné la moitié de cet âge. Ma femme, à qui feu la comtesse avait confié cette innocente créature, ne le quittait ni le jour ni la nuit. Elle raffolait de son nourrisson, qui déjà commençait à bégayer son nom et à la suivre en chancelant dans les allées du jardin. Cependant, une fois, sa surveillance fut trompée, et cette négligence, qui lui a coûté toutes les larmes de ses yeux, eut des suites bien funestes. Marguerite a raconté si souvent ce malheur en ma présence que je puis, quoique je ne fusse pas alors au château, où du reste on ne me voyait pas de bon œil, le raconter à mon tour avec les plus minutieux détails. C'était un soir d'été, par une chaleur accablante, vers la chute du jour. Ma femme avait permis à Babet, la bonne d'enfant, de descendre au village pour rendre visite à sa famille. Elle était demeurée seule avec le jeune vicomte dans le jardinet qui fait suite à la grande terrasse du potager. Vous connaissez, comme moi, mon révérend père, la situation du château de Varinas. Il est bâti sur un plateau assez uni, qui d'un côté se termine brusquement par un gouffre où se précipite un torrent. Ce gouffre, d'une profondeur effrayante, hérissé d'aiguilles de basalte, limite le jardin, et l'un des anciens seigneurs a fait construire au bord un parapet sur lequel on se penche pour voir le bouillonnement des eaux. C'est un spectacle qu'il ne faut pas se donner quand on a bu par hasard un goût de trop, ou quand on est sujet au vertige. Car le fracas de la cascade, ces tourbillons d'écume, ces pointes de rochers qui ont l'air de se mouvoir et de danser la bourrée, finissent par troubler la tête. Aussi, à jeun ou non, ai-je toujours fui cet endroit comme la peste. Donc, le jour dont nous parlons, Marguerite avait choisi ce parterre pour la récréation de l'enfant, espérant que par cette soirée brûlante, la cascade voisine lui donnerait un peu de fraîcheur. D'ailleurs, aucun accident ne semblait à craindre. Le sol partout était soigneusement sablé ou couvert de gazon et de fleurs. Le parapet qui longeait l'abîme était en bon état et trop élevé pour qu'un enfant délicat, marchant à peine, pût parvenir à l'escalader. Enfin, Marguerite, assise sur un banc de pierre, ne perdait pas de vue son jeune maître, tandis que celui-ci, vêtu d'une jaquette blanche, prenait plaisir à chercher dans l'herbe de beaux vers luisants qui brillaient comme du feu. Tout à coup, un homme, vêtu à la manière des gens du pays, mais qui n'appartenait pas à la domesticité du château, et que Marguerite n'avait jamais vu, se trouva dans le jardin à côté d'elle, et lui dit avec un accent singulier « Nourrice, votre petite Marion vient de se laisser tomber là-bas dans la cour. J'ai entendu en passant les cris qu'elle poussait. Allez donc voir ce qui lui est arrivé. » Puis cet homme s'éloigna rapidement et disparut dans la brume du soir. Marguerite était fort embarrassée. Elle voulut prendre l'enfant et l'emporter avec elle. Mais le vicomte, arraché à son jeu favori, se mit à pousser des cris perçants. La nourrice le reposa sur l'herbe, et il se tut aussitôt. « Que faire ? On est mère avant tout !» Marguerite réfléchit qu'elle serait absente pendant quelques minutes seulement, que son jeune maître, tout occupé des lucioles, ne bougerait pas. D'ailleurs, quel danger craindre sur cette terrasse bien close ? Elle ne résista donc plus à ses inquiétudes maternelles et se dirigea vers la partie du château où l'on disait que sa propre fille venait d'éprouver un accident. En arrivant tout haletante dans la cour, elle trouva Marion qui jouait tranquillement à la fossette avec les enfants de la femme de charge. Marion n'avait aucun mal. La nourrice prit à peine le temps d'embrasser sa fille. Que signifiait donc la vie mystérieuse qu'elle avait reçue et quel en était le but? Sérieusement alarmée, sans savoir encore pourquoi, elle revint en toute hâte au petit vicomte. Il était alors presque nuit. Quand elle entra dans le jardin, Marguerite crut entendre un faible cri qui partait de l'autre extrémité. Elle doubla le pas et appela de toute sa force. Elle ne reçut aucune réponse. Elle s'élança vers la place gazonnée où devait se trouver l'enfant et où la blancheur de son vêtement devait le trahir de loin. L'enfant n'y était plus. Presque folle d'effroi, Marguerite parcourut la terrasse en appelant toujours. Elle ne découvrit nulle trace de la chère petite créature. Seulement, au pied même du parapet qui bordait le gouffre, elle ramassa le chapeau que portait le fils de son maître un instant auparavant. Ne doutant plus d'un malheur, la pauvre femme poussa un cri perçant et tomba. Elle demeura évanouie sur le sable jusqu'à ce que les domestiques, inquiets de son absence, fussent venus la secourir. « Vous savez aussi bien que moi, mon révérend père, ce qui s'ensuivit. La justice se rendit au château, on interrogea tout le monde, on fit des recherches. Enfin, 3 jours après l'événement, on retrouva dans le torrent un pauvre petit corps mutilé et défiguré tant il avait été brisé contre les rochers. À ses vêtements blancs, on reconnut le jeune comte de Varinas. Il fut constaté que le malheureux enfant s'était jeté étourdiment dans le gouffre pendant la courte absence de sa nourrice. 2 mois après, le comte mourait en instituant l'abbé de Frontenac, héritier de tous ses domaines. » En écoutant ce récit, le prieur n'avait donné aucun signe d'émotion. Il reprit bientôt, avec un calme parfait, « Ah ça, mon ami, où voulez-vous en venir avec cette vieille histoire qui est connue de tout le pays et que je dois savoir en effet mieux que personne ? On n'a pourtant pas demandé compte trop sévèrement à votre femme de sa coupable négligence. Loin de là, nous avons eu pitié de sa douleur, de son repentir. Elle, vous, votre fille Marion, vous avez tous été comblés de nos bienfaits. Eh eh, il ne faut pas trop vous en savoir gré, mon révérend père, car peut-être aviez-vous d'excellentes raisons pour cela. Dans les premiers temps, nul n'osait dire ce qu'il pensait de cet événement extraordinaire. Marguerite elle-même, soit que le chagrin lui eût troublé l'esprit, soit qu'elle craignît de puissantes inimitiés, se taisait comme les autres. Elle ne confiait ses doutes à personne au sujet de la mort de son jeune maître, ou du moins je n'en eus pas connaissance à cette époque. C'est seulement plus tard, à la suite de renseignements encore inconnus de la justice, qu'elle a osé s'expliquer, et avant de mourir, elle n'a pu résister à sa conscience, qui lui commandait de révéler la vérité. « Que me dites-vous, Fargeau ? » demanda le prieur en tressaillant. « Que me parlez-vous de révélations faites par votre femme à ces derniers moments ? Vous ne m'eussiez pas caché jusqu'à ce jour une circonstance aussi importante. Vous la connaîtriez déjà, mon révérend père, si depuis que je suis venu m'établir à Mercoeur, j'avais pu vous approcher librement comme aujourd'hui. Mais vous me teniez à distance, et je ne pouvais causer avec vous qu'en présence de personnes étrangères. Cependant, j'ai risqué trop souvent certaines allusions devant vous, et si je ne me trompe, ces allusions ne vous laissaient pas indifférent. Aussi bien, quand j'aurai fini, bon père prieur, vous verrez que vous êtes particulièrement intéressé dans cette vilaine affaire. « Moi, maître Fargeau ? » dit le prieur en essayant de sourire. « Patience, vous ne rirez plus tout à l'heure, mon révérend père. Permettez-moi d'achever. » Quand Marguerite fut assez calme pour apprécier ce funeste événement, elle demeura convaincue à part elle qu'il était le résultat d'un crime. 100 fois je l'ai entendu affirmer que pendant sa courte absence, le temps eût manqué au petit garçon pour gagner le parapet du gouffre, et que d'ailleurs ce parapet était beaucoup trop haut pour qu'un si jeune enfant eût pu l'escalader. Elle n'avait donc aucun doute qu'un meurtre abominable n'eût été commis par l'inconnu qui lui avait donné un faux avis dans le but de l'éloigner. Quant à cet homme, elle ne pouvait fournir sur lui aucun renseignement. L'obscurité et le chapeau à large bord qu'il portait n'avaient pas permis de voir sa figure, et en parlant, il avait paru déguiser sa voix. Tout cela était assez vague, et la conviction de Marguerite ne s'appuyait que sur des suppositions, quand une découverte inattendue vint la confirmer. À cette époque, j'exploitais une métairie dépendant du domaine de Varinas, et j'avais pour valet de ferme un montagnard du Mézinc, que sa brutalité nous força plus tard de renvoyer. Il s'appelait Jeannot. C'était une espèce d'ours mal léché qui me faisait peur à moi-même, et que Marguerite, par sa douceur et sa patience, pouvait seule apprivoiser à certains moments. Un jour, longtemps après l'accident, voyant la pauvre Marguerite se lamenter encore de la perte du malheureux enfant confié à sa garde, lui avoua de singulières choses. Le soir même où le jeune vicomte avait péri, lui, Jeannot, s'était trouvé en revenant des champs dans le chemin creux qui conduisait à la petite porte du château. Fatigué des travaux de la journée, il s'était couché derrière un buisson pour reprendre haleine, lorsqu'il entendit 2 personnes qui s'avançaient à pas rapides dans le chemin creux au-dessous de lui en causant à demi-voix. L'un d'eux avait un grand chapeau de paysan, comme le personnage vu par Marguerite dans le jardin. Et de plus, il était entièrement enveloppé d'un manteau. Son compagnon portait à peu près le même costume. Toutefois, mon valet le reconnut. C'était un moine de Frontenac qui venait alors fréquemment à Varinas, et qu'il est inutile de vous nommer, mon révérend père. » Le prieur pâlit. « Voulez-vous dire, reprit-il, que l'on m'aurait reconnu, moi, prieur de Frontenac ? Vous n'étiez alors que simple moine, mon révérend père, mais mon valet vous avait vu plusieurs fois au château, et il ne s'y trompa pas. Quand vous passâtes devant le buisson où il s'était caché, il entendit distinctement l'autre qui vous disait : Oui, il faut que l'enfant disparaisse, c'est le plus sûr. Jeannot, de naturel lourd et un peu stupide, ne comprit d'abord la gravité de ses paroles. Il ne bougea pas de sa place, et je soupçonne qu'il s'y endormit. Mais bientôt, son attention fut attirée par un nouveau bruit de pas dans le chemin creux. C'était vous qui reveniez avec le personnage au grand chapeau. Vous marchiez fort vite tous les deux. Vous ne parliez plus. Il essaya encore de vous examiner, mais la nuit était close en ce moment, et toute observation devenait impossible. Cependant, avec la curiosité ordinaire des gens de la campagne, Jeannot se leva et fit quelques pas pour voir ce que vous alliez devenir. Vous et votre compagnon, vous aviez déjà rejoint, au bas de la colline, une troisième personne qui vous attendait à l'écart avec des chevaux. Vous vous empressâtes l'un et l'autre de vous mettre en selle, et au bout de quelques minutes, on vous perdit de vue dans les ténèbres. Voilà ce que mon valet Jeannot a raconté, père prieur. Et certes, il n'y a pas là de quoi donner une grande idée de votre sainteté. Bonaventure semblait frappé de surprise et d'épouvante. Après avoir réfléchi un moment, comme pour mesurer la grandeur du péril, il reprit en essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. Et ce valet de ferme, ce Jeannot, qui raconte des choses si merveilleuses, si incroyables, existe-t-il encore? Vous venez de dire, je crois, que vous aviez dû le renvoyer de votre métairie. Nous le renvoyâmes enfin, et après plusieurs années, nous restâmes sans nouvelles de lui. Mais je l'ai retrouvé dans ce pays, et je le vois assez fréquemment à ma loge de la Mare. Malheureusement, s'il faut l'avouer, ce pauvre Jeannot a tout à fait perdu la raison. Il est fou, s'écria le prieur, et c'est sur le témoignage d'un fou que vous oseriez attaquer l'honneur d'une communauté puissante et respectée. Mais Jeannot avait sa raison quand il a parlé de sa rencontre avec vous, et Marguerite, qui était une femme instruite, madrée sur l'écriture et sur l'orthographe comme une bourgeoise, a eu l'idée d'écrire toute l'affaire dans un papier qu'elle a signé. Pendant la maladie dont elle est morte, elle voulait déchirer ce papier, mais moi, qui n'ignorais pas la chose, je m'en suis emparé, et je ne m'en dessaisirai qu'à bon escient. En même temps, Fargeot exhibait un portefeuille graisseux qu'il replongea presque aussitôt dans la poche de son uniforme. Maintenant, poursuivit-il, vous devez commencer à comprendre, mon révérend père, de quoi il retourne. La déclaration de ma femme, mon témoignage, et particulièrement celui de mon ancien valet Jeannot, quoique dans ce moment on ne puisse tirer grand-chose du pauvre diable, mettront certainement la puce à l'oreille des juges. On assure déjà que le temps n'est pas favorable aux moines. Et ma foi, si nous ne restons pas bons amis, on verra peut-être du grabuge à Frontenac. Et le garde se mit à rire avec méchanceté. Est-ce là tout, maître Fargeot? Demanda le prieur. N'avez-vous pas encore quelque autre accusation à élever contre moi et contre la sainte maison dont je suis professe? Eh, bon père, celle-là me semble bien suffisante. Quoi? Persistez-vous à croire que sur les suppositions d'une femme désireuse, sans doute, d'excuser son imprudence, sur le témoignage d'un valet de ferme devenu fou, vous, le fainéant, l'ivrogne, le débauché dont on parle tant, vous pourriez faire prévaloir vos imputations abominables contre tant d'hommes renommés par leurs vertus et leur piété? Oui, j'ai pensé à cela, mon révérend père. Vous avez du crédit, de la richesse, vous autres, et vous seriez capable de me jouer quelque mauvais tour afin de m'imposer silence. Aussi, dans le cas où nous finirions par nous brouiller, je compte m'adresser à une personne qui, j'en suis sûr, vous tiendra bravement tête. À qui donc, maître Fargeot? Eh, pardieu! À monsieur de la Roche-Boisseau, qui se trouve justement à Mercoire en ce moment. Il est le plus proche parent du comte de Varinas, dont il aurait hérité les grands biens si vous n'étiez venu vous jeter à la traverse. Son père a soutenu déjà un procès contre votre abbaye, et lui-même n'est pas animé des meilleures dispositions à votre égard. Il appartient à la religion protestante, comme les anciens seigneurs de Varinas, et il n'aura pas de motif pour y aller de main morte avec des moines. Que je lui dise un seul mot de la confession de Marguerite, du témoignage de Jeannot, et il ne regardera pas à quelques centaines de pistoles pour récompenser un pauvre homme qui lui apporte de semblables preuves. Or, il ne sera pas facile de le faire taire, lui. Il est un des barons du Grand Conseil, et il ne craint ni Dieu ni diable. Il vous chantera une antienne comme vous n'en avez jamais entendu dans le cœur de votre église. Ah ah ah, mon bon révérend père, je crois que cela commence à vous contrarier. En effet, le nom de La Roche-Boisseau semblait avoir porté au comble les angoisses du prieur. Néanmoins, après s'être un peu recueilli, il reprit avec un mélange de tristesse et de dignité. Je sais enfin nettement vers quel but vous tendez, Fargeot. Vous voulez spéculer sur le scandale, et personne en effet ne peut vous aider mieux que le baron de La Roche-Boisseau dans ce méchant dessein. Cependant, peut-être aussi croyez-vous de bonne foi que vous poursuivriez, en nous attaquant, une œuvre de justice. Je vous affirme donc par les serments les plus solennels que ni moi, ni aucun père de Frontenac, nous n'avons pris part au meurtre de ce pauvre petit enfant. On a été trompé par de fausses apparences, par un concours de circonstances fatales, et un jour viendra certainement où notre innocence luira plus clair que le soleil. Vous serez donc sans excuse si vous persistez dans vos odieuses allégations, et vous encourrez les peines portées dans l'Évangile, qui dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Fargeot cligna les yeux. « Mon Dieu, révérend père, reprit-il, je ne suis pas aussi rude que vous avez l'air de le penser. Je suis tout prêt à vous croire innocent, vous et les autres moines. Je ne demande pas mieux que de vous remettre le papier de Marguerite, pour le brûler si vous en avez la fantaisie. Je puis promettre de fermer la bouche à Jeannot, et de devenir moi-même muet comme un poisson sur cette mauvaise affaire. Mais vous comprenez, père prieur, donnant, donnant. Que diable, les moines de Frontenac, qui sont si riches, qui possèdent tant de forêts, de prés, d'étangs, de fermes, de châteaux, peuvent bien lâcher quelques milliers de livres pour doter ma fille et pour m'assurer à moi-même un sort tranquille sur mes vieux jours. Il faut avoir de la conscience. Et vraiment, quand je songe aux dommages que vous causerez mes révélations, je ne trouve pas mes conditions si dures. » Le prieur paraissait vivement tenté. Il avait assez de prudence mondaine pour comprendre que le meilleur moyen d'éviter le scandale, dont on le menaçait, était de subir les exigences de Fargeot, d'étouffer, avec une misérable somme d'argent, les imputations, calomnieuses ou non, qui se levaient contre lui et contre la communauté. Il frémissait surtout, en pensant au parti que pourrait en tirer le baron de La Roche-Boisseau, ce mortel ennemi de l'abbaye. Cependant, d'autres considérations l'emportèrent dans son esprit. Après avoir fait quelques tours dans le salon, il revint prendre son siège en face du garde, qui, le voyant hésiter, souriait déjà d'un air de triomphe. « Quoi qu'il doive arriver, dit le prieur résolument, je n'accepterai ni pour moi ni pour la sainte maison que je représente cet abominable marché. Je ne veux pas donner, par faiblesse, une prime à la calomnie, à la cupidité, au mensonge. Fargeot, les bienfaits dont vous et les vôtres vous avez été comblés depuis la mort du comte de Varinas n'avaient pas d'autre cause, je vous le répète, que votre qualité d'ancien serviteur de la famille. Pour preuve, je refuse absolument de vous accorder ce que vous réclamez avec tant d'insolence. Faites de l'écrit déposé entre vos mains et des témoignages que vous avez pu recueillir l'usage qu'il vous conviendra. Ni le prieur, ni les pères de Frontenac ne s'abaisseront jusqu'à payer votre silence. » Le garde était loin de s'attendre à ce refus. Un vif dépit se trahit sur son visage. « Voyons, père prieur, reprit-il, ce ne peut être là votre dernier mot. Il y va pour vous d'autre chose encore que de la possession des terres de Varinas. Je n'ai pas entendu dire qu'on n'ait jamais pendu de moine, excepté peut-être au temps des Camisards. Cependant, vous réfléchirez, je pense. » « Je n'ai pas à réfléchir. Je me reproche de vous avoir écouté si longtemps, d'avoir souffert des outrages que le caractère sacré dont je suis revêtu m'ordonnait de repousser plus tôt. « Sortez donc, sortez à l'instant de ma présence, et ne reparaissez jamais devant moi. » Le prieur donnait cet ordre avec tant d'énergie que Fargeot, malgré son embonpoint, se leva cette fois sans effort. « Il suffit, révérend père, balbutia-t-il, je pars, mais vous vous repentirez de m'avoir ainsi maltraité. Je vais trouver monsieur de La Roche-Boisseau. » Bonaventure lui tourna le dos. Le garde fit mine de sortir, mais quand il fut près de la porte, il revint brusquement vers le prieur et reprit d'un ton presque suppliant. « Voyons, révérend père, j'ai eu tort peut-être de vous parler sans ménagement. Que voulez-vous? On ne m'a pas enseigné les belles manières à moi, et je dis les choses tout crûment, comme elles me viennent. Cependant, je serais fâché de me brouiller avec vous. N'y aurait-il vraiment aucun moyen de s'entendre? Je sais bien que vous ne m'aimez pas, et je suis obligé de convenir que je ne vaux pas grand-chose. Mais si vous ne voulez rien accorder pour moi, du moins ne me refusez pas ce que je demande pour ma fille Marion. Tenez, je vais vous montrer le fond du sac. Ma pauvre enfant, comme on l'a dit, n'est pas heureuse avec moi. Elle s'ennuie mortellement à la loge, où l'on ne voit jamais personne, et où je la laisse peut-être plus souvent seule que de raison. Pour comble de malheur, voilà qu'elle s'est amourachée du fils à Jean Godard, un beau garçon, excellent sujet, bon travailleur, et qui ferait un mari parfait. Mais Jean Godard a des économies, et ne laissera jamais son fils épouser une femme qui ne possède rien. Marion ne l'ignore pas, et elle ne cesse de pleurer en secret. Cela me navre. Je suis quelquefois méchant, brutal, mais j'aime cette pauvre petite, et je voudrais la rendre heureuse. J'ai donc pensé à tirer parti de cet ancien papier, afin de procurer à Marion une situation moins triste. Aussi, toute réflexion faite, révérend père, ne pensez plus à moi. Je ne mérite peut-être pas vos bienfaits. Mais promettez-moi que vous donnerez une dot de 500 écus à Marion pour qu'elle épouse le fils de Jean Godard, et je déchire à l'instant sous vos yeux le papier de Marguerite. » Le langage nouveau paraissait de nature à changer la résolution du prieur. Ce n'était plus l'ignoble spéculateur, mais le père qui parlait. Et l'on pouvait sans risque, pour la dignité et la morale, concéder quelque chose. Cependant, Bonaventure n'en jugea pas ainsi. « Le sort de cet innocent enfant me touche, » dit-il d'un ton austère. « Mais je ne puis accepter un arrangement qui aurait encore l'air d'un marché. Je ne m'explique pas sur mes dispositions bienveillantes au sujet de votre fille. Seulement, sachez-le bien, je ne me laisserai imposer aucune condition. » Fargeau ne comprit pas ce qu'il y avait peut-être de promesses secrètes sous cette apparente inflexibilité, et il reprit avec colère. « c'est bon, de par le diable. Je me vengerai. Monsieur de La Roche-Boisseau vous mettra bien à la raison. Je désirais vous ménager, je sollicitais seulement pour ma fille, si douce, si dévouée malgré mes torts, si malheureuse. Vous êtes sans pitié, eh bien, il vous en cuira. Il suffit. Sortez. Nous verrons bien si vous baisserez le ton quand tout le monde saura. Silence. Et sortez, vous dis-je. Faut-il que j'appelle ? Il ne manque pas ici de gens qui vous détestent et qui me débarrasseront volontiers de vos importunités. » Fargeau se retira en grondant et la rage dans le cœur. Quand il fut seul, Bonaventure ne conserva pas le calme et la fermeté qu'il venait de montrer. Penchant sa tête sur sa poitrine, il demeura plongé dans une sombre rêverie. « J'ai dû faire ce que j'ai fait, » murmura-t-il enfin avec un soupir en se redressant. « Mais que de malheur et de honte je prévois si cet homme réalise ses menaces. » Fin de la section 9.